Nyangi. Merci de nous rester fidèles. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Inquiétude du parti Kodebou, Iragi Gandadaye, quant au dépôt des insignes des partis politiques à la Commission électorale nationale indépendante CENI avant le décret présidentiel convoquant les élections. Dans cette édition, l'on se rend en commune Kayokwe de la province Moaro. Notre reporter nous parle des défis auxquels fait face le lycée Mouyebe, établissement scolaire à régime d'internat. Et c'est ce mardi 5 novembre que les Américains élisent le 47e président des États-Unis d'Amérique après des mois de campagne de l'ancien président Donald Trump, républicain, et Kamala Harris, vice-président démocrate. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir et bienvenue. Page éducation pour débuter cette édition. Le manque de véhicules pour approvisionner en vivres le lycée Mouyebe est l'une des difficultés auxquelles fait face cet établissement se trouvant en commune Kayokwe de la province Moaro. Le directeur de cette école en régime d'internat indique que l'école doit décaisser 2 millions de francs burundais par mois pour cet approvisionnement. Le directeur du lycée Mouyebe salue cependant la politique du gouvernement de relancer le système d'internat dans le pays, mais demande que les bâtiments de son école soient réhabilités car datant de très longtemps. En reportage signé Évariste Nzikobanya. Nous sommes dans le réfectoire du lycée Mouyebe. Il est 13 heures passées. Les élèves internes s'apprêtent à manger. La nourriture attendue est composée de la pâte de manioc et du haricot. Ces élèves sont à 10 par table et 5 parmi eux partagent un plat de la pâte de manioc et un plat de haricot. Certains des élèves admirent cette nourriture et d'autres demandent qu'il y ait amélioration. On nous donne toujours le haricot, la pâte de manioc et le riz avec l'huile. On est satisfait. Il faut qu'on augmente la quantité et varier la nourriture. La pâte de manioc est de toujours. Il faut aussi la pâte de maïs, car la pâte de manioc nous cause de troubles dans l'estomac. Les vivres arrivent difficilement au lycée Mouyebe suite au manque du véhicule chargé de les transporter, selon le directeur du dit lycée, Léonce Nihosa. Il indique que l'école doit décaisser mensuellement une grosse somme. Il n'y a pas de véhicule qui facilite les différentes activités de l'école, notamment le transport des denrées alimentaires, le transport des élèves qui sont malades vers l'hôpital. Et aussi, quand on organise des championnats interscolaires, on a aussi le besoin de déplacer les élèves. En termes de moyens liés au manque de ce véhicule de l'école, on peut compter aux environs de 2 millions de francs bouts par mois. Cette somme-là est des fois dépensée pour faciliter ces activités-là. Le directeur du lycée Mouyebe dit avoir bien accueilli la politique du gouvernement de relancer le régime d'internat dans le but de rehausser la capacité intellectuelle des élèves. Mais pour que cela puisse aboutir à son école, beaucoup reste à faire pour que son établissement héberge de nombreux élèves comme dans le passé. Comme défi, on peut dire qu'il y a de l'insuffisance du personnel. Ça commence par le personnel. Et puis, il y a aussi insuffisance du sport pédagogique. Là aussi, je peux signaler aussi qu'il n'y a pas de laboratoire et bibliothèque qui n'est pas du tout bien équipée. Au niveau des élèves internes, il y a insuffisance de matériel. C'est une politique qui a été bien saluée pour alors y arriver et réussir avec succès. C'est qu'ils mettent beaucoup de moyens à ce qui concerne la restauration, le logement et aussi au niveau de l'éducation. Donc, disponibiliser le matériel, le sport pédagogique et le personnel. Et cela aussi, disponibiliser le matériel là qui facilite les élèves à manipuler les ordinateurs et être connectés au niveau de l'Internet. Comme ça, ils sont à la page à ce qui se passe au niveau mondial. Le lycée Mouyebe a été créé en 1935 et compte aujourd'hui 875 élèves, dont 230 internes et 645 externes. Les élèves internes ont une bonne performance par rapport aux externes et ce sont ces premiers qui ont une bonne note, que ce soit en classe ou dans les tests nationaux, ajoute le directeur du lycée Mouyebe. Et on reste en province Moaro. Cette province est dotée de 6 écoles secondaires à régime d'internat sur 52 postes fondamentaux. Ceci est dit par le directeur provincial de l'éducation dans cette province de Moaro. Il demande cependant que dans la politique du gouvernement de relancer le système de régime d'internat pour rehausser le niveau de connaissance chez les élèves, la province de Moaro puisse avoir au moins 10 écoles à régime d'internat. En page politique, le parti Codebout estime que la demande d'un signe distinctif des partis politiques, alors que le président de la République n'a pas encore convoqué les élections, va à l'encontre de la loi électorale, selon Kefani Wizi, président du parti Codebout, à qui explique cela en se référant à l'article 127 de cette loi. Selon ce responsable de ce parti politique, cela pourrait exclure les indépendants ou certaines coalition de la compétition électorale. Il demande à la CENI, à la Commission électorale nationale indépendante CENI, de respecter la loi électorale. On l'écoute. La lettre que la CENI a adressée aux partis politiques pour qu'ils acheminent les emblèmes de campagne électorale à la CENI et viole le code électoral parce que l'article 127 du code électoral stipule que les emblèmes ou les logos utilisés pour la campagne sont déposés en même temps avec la déclaration de candidature et qui n'est pas encore eu lieu. Et de plus, il faut noter que les élections sont ouvertes pour les partis politiques, les coalitions de partis politiques ainsi que les indépendants. Quand on demande le dépôt des emblèmes qui seront utilisés pour la campagne, avant la convocation des électeurs par son excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, on voudrait écarter peut-être les coalitions des partis politiques et les indépendants parce qu'ils ne peuvent pas être connus avant que les élections soient déclarées. Donc, nous demanderions à la CENI de faire un effort afin de respecter le prescrit du code électoral dans la démarche qu'elle est en train de suivre, mais aussi qu'elle attende que ceux qui veulent se faire élire en qualité de indépendants ou de coalition puissent se constituer afin de déposer les emblèmes ou les logos qui sont utilisés pour la campagne en même temps que la déclaration de candidature telle que la loi le prévoit. Au cas contraire, la CENI risque de créer des conséquences graves ici à cet acharnement qu'elle manifeste dans la conduite de ce processus électoral. Poursuivons avec cette édition. Certains habitants du sud de la capitale économique Bujumbura se plaignent qu'ils n'arrivent plus à avoir facilement les produits Brarudi. Les prix de ces produits ont augmenté d'un montant compris entre 500 et 2000 francs burundais. Au moment où les consommateurs demandent le respect des prix, les vendeurs demandent plutôt à la Brarudi de rendre disponibles ces produits. Le point avec Sheila Irambona. Ces personnes sont parmi les habitants de la zone Kanyusha qui indiquent que depuis quelque temps, les produits de la Brarudi se font rares et que pour y avoir accès, ces derniers sont obligés d'ajouter de l'argent sur le prix normal prévu par le gouvernement et de demander à ce que la Brarudi disponibilise ses produits. L'Amster est à 4500 ou 5000 francs. Le Primus est à 3500 ou 4000. Le petit Primus est à 2500, tandis que le petit Amstel est à 3500 francs. Je suis au courant de ces prix car ces produits sont parmi tous ceux dont j'aime consommer. Les commerçants qui les vendent disent que ces prix sont dus au fait que ces produits soient rares. Ils nous affirment qu'ils se sont arrangés pour avoir ces produits par bouteille. Il peut arriver une situation où on peut avoir une fête ou avoir soif et qui n'était pas accès à ces produits. Cela peut te consommer énormément pour les avoir. On demande à la Brarudi de disponibiliser ces produits en grande quantité, au lieu d'approvisionner par exemple Kanyosha seulement, sans le faire à Musaga et vice-versa. Une demande également faite par un des commerçants de cette localité qui déplore des pertes et confirme que la rareté de ces produits fait qu'il y ait certains commerçants qui ajoutent ces montants car ils se sont approvisionnés par bouteille chez les détaillants. Si je considère le nombre de clients que nous recevons, je ne pense pas qu'on nous approvisionne en quantité suffisante, mais nous écoulons ces produits comme nous les avons reçus. Par rapport au montant que nous ajoutons au prix officiel, nous le faisons après avoir averti nos clients. Nous faisons face à des pertes car les clients reviennent sur leurs pas s'ils ne trouvent rien ici. Nous demandons à la Baroudi de disponibiliser ces produits pour que ceux qui veulent puissent y avoir accès. Cette situation qui se présente dans la zone Kanyosha se présente également dans la zone Moussaga. Hors micro, les consommateurs et commerçants tous ont plaidé à ce que la Baroudi fasse quelque chose pour trouver une solution par rapport à ce problème. Nous n'avons pas encore eu la réaction de la Baroudi sur ces inquiétudes des consommateurs. Parlons commerce encore. La pénurie de carburant affecte le travail des pêcheurs de Rumonge. Ils indiquent qu'ils peuvent passer 3 jours sans pratiquer leur activité de pêche. Au sein de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons, l'on propose qu'ils fassent partie du comité chargé de la distribution du carburant. Mais le chef de cabinet du gouverneur de la province de Rumonge accuse ces derniers de faire une spéculation d'une certaine manière. Le point avec Francine Deokubgayo. Ils sont du port de pêche de Rumonge. Ils disent qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés à se rationner en carburant, qu'ils trouvent des fois à un prix exorbitant. On peut faire 2 ou 3 jours sans faire notre activité de pêche. Et quand on va chercher de le carburant, ils nous disent que le carburant est déjà fini. Là où on le trouve, un bidon, c'est 500 000, alors que les poissons qu'on peut amener, ça peut coûter 700 000. Vous voyez qu'on travaille pour rien et on reste là sans rien. Faire. Nous demandons au gouvernement de résoudre ce problème de carburant. Pour pêcher, nous avons besoin d'environ 80 litres. Et pour avoir ces 80 litres par jour, c'est très difficile. Mais ça dépend de la distance, de là où vous partez. Nous utilisons le carburant qui vient de la Tanzanie, raison pour laquelle le carburant est très cher. Par exemple, ces 80 litres coûtent 800 000, alors qu'avant, ces 80 litres coûtaient à peu près 300 000 francs. Même cas chez les vendeurs, cette commerçante s'indigne que même les clients ne viennent plus suite au prix élevé du poisson sur le marché. Nous travaillons actuellement à perte car le produit est devenu cher par manque de carburant. Les acheteurs ne viennent plus car ils ne supportent plus les prix élevés. Autrefois, on achetait un petit bidon à 30 000 francs qui coûte aujourd'hui 70 ou 80 000. Comment pouvons-nous gagner avec cette différence? Mais on est obligé d'acheter comme tel parce que au moins on peut avoir une petite quantité de ces petits poissons pour les enfants. Mukanya Sadi est le secrétaire général de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs du poisson au Burundi. Pour lui, il serait important que les pêcheurs soient dans les comités de gestion du carburant. Si nous ne pratiquons pas la pêche, alors que la commune collecte des taxes, selon la production, dans ce cas, c'est aussi la perte pour la commune. Au cas contraire, la commune gagne beaucoup. C'est pourquoi nous demandons à l'administration d'intégrer les pêcheurs dans les comités chargés de distribuer le carburant pour que nous continuions à travailler. Le chef du cabinet du gouverneur de Rumonge, Abdul Nilanyibagira, trouve néanmoins qu'il y a parmi ces pêcheurs ceux qui font des spéculations et vendent le carburant en cachette. Tout d'abord, nous devons connaître tous les pêcheurs. Nous leur avons demandé d'avoir une fiche d'identification. Et quand le pêcheur montre cette fiche à la station, il lui donne directement le carburant. Et ils y vont écrire combien de litres ce pêcheur a reçu. Parmi ces pêcheurs, il y a ceux qui reçoivent le carburant et qui vont le vendre ailleurs, dans d'autres choses pour un prix très élevé. Par exemple, il peut recevoir un litre de carburant pour 3 950, mais il va le vendre ailleurs pour 8 000. Et la même personne revient demain pour dire qu'hier, il n'avait pas reçu le carburant. Il ajoute cependant que dans une réunion tenue avec ces derniers, ils se sont convenus qu'une fois que le carburant est disponible, le peu sera partagé équitablement et espère que tout va bien se passer. Parlons santé. En province de Kayanza, certains des habitants de la commune Gatara disent que le concubinage chez certains couples est l'une des causes du faible taux des personnes adhérant à la vasectomie et à la ligature des trompes comme méthode contraceptive. Des informations confirmées par Donatien Ndikubwimana, conseiller communal à Gatara en charge des affaires sociales, à une autorité administrative qui appelle les couples mariés à collaborer étroitement en ce qui est des méthodes contraceptives. Et adopter étant donné, selon lui, que la commune Gatara fait face à une démographie galopante. Le point avec Patrick Nsengiyumva. La commune Gatara est l'une des communes du Burundi où il se fait parler d'une forte démographie galopante et de la population. Donatien Ndikubwimana, conseiller de l'administrateur en charge des affaires politiques, administratives et sociales, indique que dans cette commune Gatara, aujourd'hui l'on y compte une densité de 878 habitants par kilomètre carré. La cause principale, c'est lui, de la recrudescence des cas de conflits fonciers. Toutefois, les habitants de la commune Gatara divergent beaucoup sur l'adoption de la vasectomie et la ligature des trompes comme méthode des contraceptives servant à la limitation des naissances. Certains des hommes mariés à Gatara contactés trouvaient que la vasectomie serait un moyen de les casser et qu'ils se retrouveraient dans une situation d'impuissance sexuelle. Des femmes de leur côté à Gatara indiquent que les hommes pourraient adopter la vasectomie comme méthode contraceptive, mais les femmes non pour ce qui est de la ligature des trompes. D'autres femmes à Gatara contactées disent qu'ils observent des cas où la femme adopte la ligature des trompes comme méthode contraceptive et que le mari continue à faire des enfants hors mariage. Des informations qui sont confirmées par Donatien Ndikubwimana, conseiller de l'administrateur en charge des affaires sociales à Gatara, qui conseille les couples mariés à bien s'entendre sur les méthodes contraceptives à pratiquer afin de limiter les naissances et éviter des conflits conjugaux. Les données chiffrées fournies par le Bureau provincial de la santé à Kayanza font état de 35 cas de vasectomie et ligature des trompes pour le dernier semestre de l'an 2023, contre 93 cas de ces méthodes contraceptives et les 6 premiers mois de l'an 2024. Patrick Herbert Mukunzi, point focal et provincial et au centre du BPS Kayanza en charge de la santé sexuelle et reproductive, indique que des sensibilisations continuent auprès de la population en ce qui est de la limitation des naissances et des méthodes contraceptives et relatives. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Merci à Patrick Nsengi. On va une brève en international avant la chronique de ce soir. Après des mois de campagne sous tension, les États-Unis se préparent à élire ce mardi leur 47e président et le traumatisme de l'assaut du Capitole en 2021 reste dans toutes les têtes, écrit en journal belge. C'est un scrutin sous tension à la veille déjà de l'élection présidentielle américaine. La capitale du pays, Washington DC, redoute des débordements et anticipe déjà de potentiels actes de destruction ou de pillage. Les deux candidats ont maintenu un rythme de campagne accéléré dans les swing states, alors que plus de 78 millions d'électeurs ont déjà voté par anticipation. Les deux candidats étant Kamala Harris, 60 ans, du camp des démocrates, contre Donald Trump, 78 ans, du camp des républicains. Le 47e président des États-Unis d'Amérique remplacera ainsi l'actuel président Joe Biden, 81 ans. Radio Isanganiro, chronique sport. Les entraîneurs burundais de football commencent le métier de coaching après avoir bénéficié des formations dispensées par des experts en matière de football. Olivier Nyungeko, président de l'association burundaise des entraîneurs de football, fait savoir que les formations des licences niveau C sont dispensées par les experts locaux au moment où celles des niveaux AB sont faites par des experts internationaux. Jean-Marie Vianney, Ngendakouman. Les entraîneurs burundais de football doivent être détenteurs des licences qui leur permettent d'exercer le métier de coaching dans la discipline de football. Allez, Olivier Nyungeko, président de l'association burundaise des entraîneurs, fait savoir qu'un entraîneur doit d'abord aimer le jeu de football avant de se lancer dans le métier de coaching. Il faut aimer ce jeu, c'est d'abord primordial, parce que dans tout ce qu'on fait, il y a l'amour que tu as donné à ce jeu. C'est-à-dire, il faut être prêt de jouer, il faut être sur le terrain,